Nous toussons le tout. Je hais le tout. Toussons donc le tout. Nous rend chèvre. Tout nous rend chèvre. Tout nous rend chèvre. Comme le tout le fait. Pourquoi ai-je... Pourquoi es-tu... Vous est le problème.